D'ailleurs, dans notre formation qu'on a eue vendredi puis jeudi passé, t'as-tu remarqué le nom? Il y a un conférencier qui est venu nous parler du nombre d'organismes communautaires sur l'île de Montréal. Oui. Qui défendent les intérêts de telle ou telle minorité. Oui. Il y en avait combien? À peu près 1200 organismes exact. Communautaires, juste sur l'île de Montréal, qui défendent les besoins de telle ou telle minorité. Les assistés sociaux, puis telle sorte de personnes. C'était intéressant, ça. C'était très intéressant, ouais. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui change au Québec. Que ce soit en matière d'aide sociale, que ce soit en matière de n'importe quoi, il y a 1200 organismes communautaires sur l'île de Montréal. Ça n'a pas tout rentré par une oreille puis sorti par l'autre, ce qu'ils nous ont dit dans notre formation jeudi et vendredi, notre congrès Radio X. Puis tous ces gens-là, c'est pas trop long que ça dit non, puis c'est pas trop long que ça chiale, puis c'est pas trop long, puis c'est tout subventionné, puis tout ça. Va bien. Puis est-ce qu'il faut arrêter notre véhicule puis revirer de bord à chaque fois qu'il y a un dos down? Non. Tu ralentis, puis maintenant, il faut que tu continues ta route. Pis c'est ça qu'on a de la misère à faire au Québec. Dès que ça chiole un peu, dès qu'il y a un coup de casserole, dès qu'il y a un carré rouge, on arrête tout, on met tout ça sur le neutre. Puis là, oh, ben là, on peut plus avancer le char, tout le monde est pas content. Ben oui, mais tout le monde content, ça existera pas. Il y avait tout au moins 70% d'étudiants qui continuaient le cours. C'est ça. T'as quand même un bon pourcentage, 70%, ça vaut un B+, ça.